Je me suis posé la question à savoir si je devrais faire un spécial Halloween ce soir à Réanimation. Après y avoir réfléchi pendant un bon moment, c'est-à-dire un bon 15 secondes, je suis arrivé à la conclusion que Réanimation, c'est l'Halloween! Donc, pour faire différent et souligner cette fête qui célèbre les créatures malfaisantes de la nuit et qui aura lieu ce samedi, l'édition de ce soir n'aura aucun rapport avec l'Halloween. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui décide de faire les choses à l'envers. Donc, vous pouvez conclure que mes opérations qui comportent des greffes d'organes se font de façon plutôt bizarre. Imaginez un foie, un cœur ou un rein greffé à l'extérieur du corps. Ça, c'est l'Halloween! Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, Cosphere. It's my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Go. vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Chaque lundi, les Daily Hounds présentent une émission variée, qui passe de faits divers à la présentation de personnes inspirantes. Soyez des nôtres. Les délirantes, lundi à 13h, à C'est Fou, 89.1 FM. C'est Fou, 89.1 FM. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 27 octobre de l'an de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Effectivement, j'ai, comme je l'ai dit lors de la présentation d'émission, j'ai décidé de ne pas faire de spécial Halloween parce que généralement parlant, réanimation c'est pas mal Halloween à toutes les semaines à longueur d'année. Ou quasiment. Donc, je vais avoir une programmation qui va être dite régulière, si le terme peut s'appliquer ici. Par contre, si vous voulez avoir un spécial Halloween, il y en aura un ce vendredi, dès 11h à Rock Classic, en compagnie de mon bon ami, le Rockmaster Alain Lefebvre, et de moi-même, votre humble serviteur. Nous vous avons concocté un spécial Halloween qui ne sera pas piqué des verres. Mais en fait, on espère, oui, qu'il va être piqué des verres, parce que ça signifiera que c'est vraiment l'Halloween. Bref, je vous reviendrai avec le contenu un peu plus en précision, en détail, devrais-je dire, au courant de l'émission. On vient d'entendre quatre formations qui sont, ma foi, excellentes. À l'instant, Septic Flesh, une pièce tirée de leur dernier album paru en 2014, soit Titan. La pièce étant Prometheus, qui, ma foi, je dois dire, cette formation... D'album en album et toujours à quelque part quelque peu surprenante. Ils ont toujours des petites choses qui se rajoutent, des petits détails, des petits des petits perfectionnements qui font que j'affectionne particulièrement la formation Septic Flesh. Nous avions juste avant de Monolith Death Cult, la formation allemande qui a donné de ses débuts dans un death metal assez brutal. Maintenant, ils sont plus axés vers le death industriel, ce qui me plaît tout autant, et peut-être même plus dans leur cas, c'était la pièce Todesnacht von Steinheim. Et je m'excuse auprès des Allemands parce que le mien n'est pas très bon. C'est tiré de Tetragrammaton, album qui paraît en 2013. L'avant-dernier sur Season of Mist, nous avions Rotting Christ. Excellente formation, Rotting Christ. Une formation qui donne dans un... comment pourrais-je dire? Un extrême... Oui, extreme metal, on peut appeler ça comme ça, forte tendance, je dirais, antique, antiquité bien sûr, formation qui vient de Grèce, et la pièce Grandis Spiritus Diabolos, c'est tiré le dernier album complet studio, Katatoi, Aemona et Troy, qui est vraiment très très bon lui aussi, je crois que je n'ai pas à le répéter pour ceux qui connaissent l'album, qui est paru précisément, je vais vous le dire... Le 1er mars 2013, voilà, sous étiquette Season of Mist, et nous avons ouvert avec Samael, formation suisse qui donne dans un métal industriel, oui, à tendance cybernétique, pourrais-je dire, la pièce Supra Karma, C'est tiré de Eternal qui est paru en 1999 sur Century Media. Oui, j'ai des présentations de nouveautés ce soir. Et oui, j'aurai une chronique cinéma, mais qui est toute spéciale. Qui est une. Ben, en fait, c'est le seul bout spécial que j'ai fait pour l'Halloween. Mais ça, je vous y reviens tout à l'heure. je suis encore en train de perdre la voix. Côté présentation de nouveautés, ben, on va le faire tout de suite. On va débuter tout de suite avec une première qui est une formation française qui porte le nom de Gorod, qui en est à son cinquième album studio complet, qui a pour titre A Maze of Recycled Creeds. Ben écoutez, ça m'amène à vous dire quelque chose. Il y a deux semaines, lors d'une édition de Rock Classic, le Rockmaster et moi, en fait, il avait tendance à donner des cotes aux présentations qu'il faisait, aux nouveautés, et ainsi de suite. Ce que je fais aussi depuis le début que je fais des chroniques d'albums, que ce soit ici ou à Rock Classic. Et il m'a dit qu'il cessait de donner des cotes aux albums pour être capable de peut-être arriver à présenter des trucs uniquement qu'il avait appréciés. Et j'ai trouvé ça de ridicule, épouvantable sur le moment, mais je dois avouer à sa défense que quelques semaines plus tard, je commence à être en accord avec lui. Que ce soit en ce qui me concerne, bien sûr, au niveau musical, mais aussi au niveau cinéma. C'est très subjectif, une critique, entre guillemets, c'est très subjectif, bien sûr, parce que ce qui nous apparaît être bon à nous peut être très mauvais pour l'autre ou très moyen, et l'inverse. Donc, la formule de cotation, de numérotation, de chiffres de 0 à 10, je crois que moi aussi, je vais l'abandonner. Mais quoi qu'il en soit, pour cette semaine, étant donné que je l'avais déjà fait, ben, je vais continuer dans cette mouvance-là. Mais à l'avenir, ne vous surprenez pas si vous allez sur le site de réanimation, que ce soit dans la section musique ou cinéma, que vous ne voyez que des textes d'appréciation ou de dépréciation, selon le cas, mais qu'il n'y ait plus de cotation numérique en tant que telle, parce que je pense que c'est effectivement une bonne chose de le faire comme ça. Bon, ben, en fait, j'étais pas d'accord avec le Rockmaster dès le départ, mais j'imagine que je suis comme le bon fin, je m'améliore en vieillissant. Bref, toujours est-il que Gorod s'appelait auparavant Gorgasm, mais moi, je les ai pas connus vraiment à cette époque-là. C'est en 2005 qu'ils ont pris... c'est jusqu'en 2005 qu'ils portaient le nom de Gorgasm, donc c'est vers la fin de 2005 qu'ils ont pris le nom de Gorod, dont j'ignore la signification. Et c'est comme je le disais, c'est le cinquième album studio. Je vous présente deux pièces qui sont tirées de A Maze of Recycled Creeds, qui est paru sous étiquette Listenable, et puis je vous donne mon appréciation après cette écoute. Donc, Gorod avec les pièces Celestial Nature et Inner Alchemy. Go! Formation française God et deux pièces tirées de leur dernier album Maze of Recycled Creeds, paru il y a exactement 100 ans. C'est faux! Non, en fait, il est paru précisément le 16 octobre dernier sous étiquette Listenable. Les pièces Inner Alchemy et Celestial Nature, qui sont respectivement les quatrième et troisième pièces dans le désert dans lequel on vient les écouter. Moi, j'ai toujours trouvé un peu que les... Il faut savoir que c'est un groupe de technical death metal. J'ai toujours un peu trouvé que les groupes de death metal techniques, très techniques, comme on peut le voir avec Gorod, avaient tendance à oublier un certain aspect de la musique qui était le remplissage qui donnait un impact ou un effet. Bon, ça c'est à mes goûts, à moi bien entendu, mais je pense pas être le seul à partager cet avis. Et Gorod ne fait pas exception à la règle. Ici, c'est pas parce qu'il y a seulement un guitariste, là. Ils sont deux guitaristes, mais comme vous avez pu remarquer, les deux guitaristes ont tendance à faire généralement à peu près les mêmes patterns en même temps. Il n'y a pas énormément de compléments entre un guitariste, un des deux guitaristes qui va faire plus une ligne de gamme, si on veut, et un autre qui va faire la rythmique ou le rhythm en arrière pour aller faire un remplissage. C'est pas vraiment leur cas. Et c'est ce qui m'a toujours un peu déplu dans ce genre de groupe, c'est qu'on a l'impression que des trous à certains endroits, ce qu'on pourrait facilement passer le bras sans toucher absolument à rien, aucun des instruments ou aucune des notes, si vous préférez. C'est très imagé, là, mais ça ressemble à ça. Donc, moi, j'ai... peut-être pour une des dernières fois, hein, j'ai accordé une note de 6 sur 10 à Gorod et l'album A Maze of Recycled Creeds. Par contre, je dois dire que... la production est excellente, ça c'est indéniable, et il y a certaines excellentes mélodies qui ont réussi à introduire, comme le début de Inner Alchemy, c'est vraiment très très bon, à introduire à certains moments dans leur pièce, qui donne une dimension assez originale et je dirais intéressante. Donc c'est pas mauvais là, c'est pas mauvais, c'est pas nécessairement le genre de death metal que j'aime au plus haut point, mais je ne le déteste pas du tout, et j'accorde quand même les mérites à Gorod d'avoir un album qui, somme toute, pas mal correct. La deuxième présentation que j'aurai pour vous ce soir est la dernière parution, dernière parution, le 16 octobre également, formation suédoise Grave. J'aurai trois pièces à vous présenter, c'est un album que j'ai vraiment aimé beaucoup. On va aller en pause publicitaire et tout de suite on va revenir avec un bloc qui comporte quatre formations qui ont sorti des nouveautés au courant de l'été dernier qui m'ont vraiment bien plu. Je parle de Hate Eternal, Nile Crimson et Fear Factory. Donc on retrouve ça tout de suite après la pause publicitaire. C'est fou! 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Vous êtes assez fou. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Vendredi le 6 novembre, 21h30, votre café-bar Le Zénob vous présente la formation de Québec 5-4 Trio. Pour vivre une belle soirée aux accents jazz progressifs, venez entendre et voir 5-4 Trio ce vendredi 16 novembre au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. FM. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Oh! Petit problème technique. Désolé, on n'a pas entendu la fin de cette excellente pièce de Hate Eternal Infernus, qui est la pièce titre de cet album paru au courant de l'été. C'était le sixième album de Hate Eternal paru sur Season of Mist. Nous avions la très très bonne pièce de Nile, Evil to Cast Out Evil, qui à ce jour est toujours ma préférée de cet album, What Should Not Be Unheard, qui est paru comme étant le huitième album studio complet de Nile. Sous étiquette Nuclear Blast, Crisian, ça aussi c'est vraiment très bon. Ways of Barbarism, tiré de l'album Forge and Fury, sur Century Media, 10e album pour Crisian. Et Fear Factory en ouverture de bloc avec Anodized, tiré de Genexus, qui est également le 10e album studio complet pour Fear Factory, qui est paru sous étiquette Nuclear Blast. C'est tous des albums qui sont parus au courant de l'été et qui m'ont bien, bien plu. Côté, ben en fait, je vais vous revenir à... Non, pas tout de suite. Sinon, on va y aller en cinéma, tiens. Je disais tout à l'heure que à peu près le seul segment de l'émission qui était spécial Halloween, eh bien, c'était le cinéma. Oui, parce que cette semaine, je n'ai pas retenu de chronique en tant que telle sur des choses ou des... nouveauté ou film que j'ai écouté depuis la dernière édition de Réanimation. Non, ce sont des suggestions. 8 films que je vous suggère qui seront intéressants d'écouter pour votre, si c'est le cas, votre soirée d'Halloween ou votre week-end d'Halloween pour le moins. Et je vais y aller en chronologie de parution. Je débute le premier avec un film de 1960 qui met en vedette Anthony Perkins et Janet Leigh, qui est un film d'Alfred Hitchcock. Bien sûr, je parle de Psycho, qui est un très bon thriller à connotation horreur, encore aujourd'hui considéré comme étant un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un film qui mérite amplement d'être vu plus d'une fois, ou encore plus d'être découvert. Donc, le Psycho de 1960 d'Alfred Hitchcock. L'autre film est une série B de Stuart Gordon qui est paru en 1985 et qui est un de mes films fétiches. Pas parce que le titre est évocateur, non. Quoique, ça pourrait avoir une certaine... Je pourrais avoir un certain penchant pour le titre, mais non, c'est pas le cas. C'est un film d'horreur à connotation zombie, réanimation, entre autres. Ah, quel jeu de mots. Il s'agit de Reanimator, qui est paru en 1985, comme je le disais, qui met en vedette Jeffrey Combs, Bruce Abbott et Barbara Crampton, et qui raconte l'histoire du docteur, espèce de savant fou. Ah, tiens donc, encore un autre rapprochement. De Herbert West, qui... son arrivée à l'université de Arkham, ça aussi, ça fait assez étrange, veut prouver à ses pères qu'il a le sérum permettant, qu'il a créé le sérum permettant de ramener les morts à la vie. Moi, je trouve ça vraiment tout à fait délectable et charmant. Je l'ai vu des dizaines de fois et encore aujourd'hui, je pense que c'est un film d'horreur qui est tout à fait à propos pour l'Halloween. Troisième sélection de 1992 est un film de Francis Ford Coppola qui met en vedette Anthony Hopkins, Gary Oldman et Keanu Reeves, qui est un film d'horreur, bien entendu, de vampires, et je parle bien sûr de La Vision de Coppola de Dracula. Vraiment un excellent film. Un des films, pour avoir lu le roman plus d'une reprise de Bram Stoker de Dracula, un des films qui, selon moi, escamote le moins et est le plus près possible de la réalité du roman. Un film relativement long, mais qui ne comporte pas de longueur et qui est admirablement bien fait au niveau de l'esthétique et du pictural. Et bien entendu, avec un acteur comme Anthony Hopkins qui joue le rôle, bien sûr, de l'ennemi juré de Dracula, Van Helsing, ben on peut pas s'attendre à avoir de quoi de mauvais, bien sûr. C'est excellent. Autre film de 2001, quatrième sélection, qui est un film des frères Hughes, qui, généralement, ne sont pas excessivement productifs, mais ce qu'ils font, ils le font très bien, qui mettent en vedette Johnny Depp, Heather Graham et Ian Holm. C'est un film d'horreur, connotation thriller, et bien c'est le From Hell qui raconte, en fait, les crimes crépuleux et je dirais sanguinaires de Jack l'Éventreur et, mille pardons, de l'inspecteur Fred Aberline qui est sur ses traces, interprété par le très bon Johnny Depp. C'est vraiment excellent comme film. Cinquième sélection, paru en 2002, qui est un film de Gore Verbinski, qui met en vedette la très bonne comédienne Naomi Watts, ainsi que Brian Cox et Martin Anderson, qui est un film d'horreur, encore une fois, devrais-je dire, à connotation hantise. Il s'agit de le film The Ring, ou si vous préférez, Le Cercle, c'est un remake américain de l'original japonais Ringu, qui lui aussi est vraiment bon. Par contre, The Ring, la version américaine, a un petit quelque chose qui, pour nous autres, les Nord-Américains, nous touche peut-être plus que l'original japonais, dont les mœurs sont relativement loin de nous, là. Mais c'est adapté vraiment pour l'horreur américaine. C'est un excellent film. Il y a eu des suites à ça qui étaient correctes, mais qui n'arrivent pas à la hauteur du premier chapitre, si on veut, de 2002, The Ring. Donc, c'est un film que je vous conseille. Écoutez, en pleine noirceur, d'ailleurs. Ben, en fait, vous pouvez allumer la télé, là, mais pour le reste de l'ambiance, écoutez ça sans aucune lumière autre, peut-être, que la lueur de la télévision. Ça va être amplement pour vous donner une merveilleuse ambiance. Évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est disponible en Blu-ray DVD. Sixième sélection, qui est de 2005, qui est un film de zombies, qui est un film le maître à penser dans le film de zombies, nul autre que George E. Romero, qui est l'instigateur, mais en fait, non, c'est pas vraiment l'instigateur, disons que c'est le popularisateur, proprement dit, du film de mort-vivant, avec son Night of the Living Dead, bien sûr, de 1968 ou 69, je ne m'abuse, je devrais vérifier. Mais je parle ici de Land of the Dead, qui était, en fait, parce qu'on sait qu'initialement, Romero a fait une trilogie qui est Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Day of the Dead. En fait, il y en a un qui est connu aussi sous le nom de Zombie, et que plusieurs années plus tard, il a décidé de récidiver avec une suite à cette trilogie par une autre trilogie dont Land of the Dead fait partie. Très bon film de zombies. Et ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, parce que j'ai lu ça cette semaine en parlant de George Romero, lui qui baigne généralement dans le film de zombies, décrit de façon très négative l'engouement des séries télévisées et du renouveau du film de zombies, en fait, qui nous est présenté depuis peut-être les 10-15 dernières années, spécialement depuis peut-être les 7-8 dernières années. Et il s'attaque de façon, non pas violente, mais de façon, je dirais, peu reluisante à la série The Walking Dead, qui est probablement une des séries télévisées que je préfère. Parce que pour lui, tout est dénaturé. Dans ses films, il raconte qu'il y avait un message à caractère social qui, ma foi, en prenant un certain recul, est assez simple à comprendre. Et qu'ici, on dénature cette espèce de message-là, d'abrutissement de la population pour toutes sortes de raisons et toutes sortes de causes. Et pour lui, ben, c'est simplement que du remplissage avec des très très gros budgets. Et il s'est dit même, on produit des séries et des films à coût de millions alors que moi je les fais avec 170 000 $. C'est vrai Georges, mais il faut vivre quand même avec son temps. Mais ça ne fait pas que tes films ne sont pas bons, bien sûr. Septième suggestion, qui est un film que j'ai encensé, qui est paru en 2013 et qui est un film de James Wan. James Wan, c'est effectivement celui-là qui a produit l'original, du moins, et une certaine séquelle du film Décadence ou ça, qui, le premier, pour le moins, avait été très surprenant et très original. Il a récidivé avec un film d'une grande qualité en 2013 avec The Conjuring, The Warren Chronicles, qui est un film de hantise qui met en vedette Vera Farmiga, qui est vraiment excellente dans le rôle de celle qui subit d'une certaine façon les choses. C'est vraiment un très bon film. C'est inattendu. C'est original et c'est typiquement un véritable film d'horreur. comme on aimerait en avoir plus. Donc, The Conjuring, The Warren Chronicles. Et la huitième suggestion que je vous fais est un film qui est paru en 2014 et qui est Scott Derrickson, qui met en vedette Eric Bana, qui est un acteur à la base que j'aime plus ou moins, mais qui a été vraiment très bon dans ce film. Un autre film de, un film de possession qui s'appelle Deliver Us From Evil et qui raconte la traque d'un agent de police, un inspecteur, envers quelqu'un qui soupçonne de plus en plus de non pas être un criminel désaxé, mais bien quelqu'un qui est possédé par le diable. C'est vraiment très bon, c'est très bien amené. Et ça aussi, il y a une bonne partie d'originalité dans ce film-là. Deliver Us From Evil. Je vous les propose toutes. Vous pourrez aller les revoir sur le site de réanimationad.com. Il y a même dans la section cinéma, vous avez le synopsis du film, vous avez la fiche technique, et vous cliquez sur la fiche du film, et vous allez directement vers une bande-annonce si vous préférez. Donc, réanimationad.com, allez vous en faire une idée, et si vous avez rien à faire pour l'Halloween, là, parce qu'il fait pas beau dehors, par exemple, puis que vous pouvez pas vous déguiser parce que votre maquillage va couler à cause de la pluie, ben tapez-vous un bon film, ou même peut-être même 8 bons films d'horreur. Voilà! Ça m'amène à la deuxième présentation de la soirée qui s'adresse à une formation suédoise qui en est à son, je ne le sais même pas, j'ai même pas préparé mon affaire, je vais le faire, excusez-moi là, je me suis laissé emporter par ma chronique cinéma ou par autre chose, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, formation Grave, comme je disais, formation suédoise qui a vu le jour en 1988, mais en fait, ils existaient en 84 sous le nom de Rising Power, de 85 comme étant Destroyer, en 86 comme Anguish, en 86 à 88 comme Corpse, et 88 à aujourd'hui, bien, sous le nom de Grave, une formation que j'ai vue en spectacle il y a quelques années au théâtre... au Club Soda, voilà. J'avais trouvé intéressante, mais honnêtement, je trouve ils sont meilleurs en studio qu'en spectacle. En spectacle, c'était quelque peu, je dirais, amorphe. Tandis que avec ce nouvel album, qui porte le titre assez évocateur pour l'Halloween, voilà, Out of Respect for the Dead, qui est paru le 16 octobre dernier sur les étiquettes Century Media. Eh bien, j'ai beaucoup aimé cet album qui donne dans un heureux mélange de la vitesse de croisière du thrash metal supporté par une structure plus death metal. Je vous en fais écouter trois extraits qui sont respectivement l'introduction Mass Grave Mass, suivi de Mass Grave Mass, The Flesh Before My Eyes et Out of Respect for the Dead, qui est la pièce titre, et je vous reparle de mon appréciation après cette écoute. Grave, let's go. 89.1 FM. FM. Un écrivain reste dans le temps baisse, m'a dit que t'as un petit quelque chose. Hey. C'est pas assez. Retrouvez les pièces les plus jouées de la semaine, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les Palmarès C'est fou, les mardis de 15h à 18h sur C'est fou 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. ...20h43 et nous allons vers la fin de cette édition de réanimation, mais il reste encore quelques bons trucs. On vient d'entendre la formation suédoise Grave et la pièce, ben en fait trois pièces tirées de leur nouvel album Out of Respect for the Dead qui est paru le 16 octobre dernier sous étiquette Century Media. On vient d'entendre la pièce titre. À l'instant, c'est un titre qui est pas piqué des verres. Juste auparavant, nous avions Flesh Before My Eyes. Et nous avions ouvert avec l'introduction qui était tout de suite suivie de la pièce Mask, Grave Mask. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être la dernière fois que j'accorde une cote à des chroniques cinéma ou même, en l'occurrence, présentement musicales. Mais je vais le faire tout de même parce que c'était comme ça que je les ai chroniquées. Et vous allez voir que ça va disparaître peu à peu. J'ai accordé un 7,5 sur 10 à cet album et honnêtement, plus je l'écoute, plus je me dis qu'il mériterait probablement un 8. Moi, j'ai bien aimé, ça réinvente pas la roue, qui peut se vanter de le faire de nos jours. Ça n'est pas d'une originalité extraordinaire, même peut-être même pas du tout, mais ça fait amplement le travail quand on aime le style. La vitesse est excellente. On peut pas vraiment s'empêcher de se faire aller la tête en écoutant ça. Bref, la semaine prochaine, à réanimation, je vais vous proposer... je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça il y a quelques jours à peine. Formation qui porte le nom de Lost Soul, qui est un groupe, l'album étant Atlantis The New Beginning, c'est un groupe qui donne dans, je dirais, c'est du technical death metal, mais contrairement à ce que je disais de Gora tout à l'heure, c'est moins technique, c'est donc plus plein. C'est une formation polonaise qui est active sous ce nom depuis 1992. Qui a pris une pause de 2 ans, 95 et 97. Bref, j'ai trouvé ça assez intéressant. On explorera cet album-là ensemble la semaine prochaine. Donc, je le disais tout à l'heure en début d'émission, ce vendredi à Rock Classic, c'est le spécial et traditionnel spécial Halloween. Personnellement, ça doit faire au moins, je dirais, 5 ans, si ce n'est pas plus que j'y collabore maintenant de façon plus active. Et cette semaine, on vous a préparé une pléiade de jolies chansonnettes évocatrices de l'horreur, bien entendu. On va entendre des formations telles Alice Cooper, Black Sabbath, Venom, Ghost, Screaming Jay Hawkins, Rob Zombie, Slayer, ainsi de suite, Angel Witch et patati patata. Et bien entendu, Kiss! Et Alain vous présentera une face complète d'un album vinyle classique qui est paru il y a exactement 30 ans, en fait cette semaine même, et un très bon album. Il s'agit de l'album To Megatherium de Celtic Frost, qui est tout à propos pour un spécial Halloween. Et dans la chronique des groupes obscurs, il vous présentera une formation très inconnue des années 70 qui porte le nom de Iron Maiden, mais évidemment pas celui qu'on connaît, bien sûr, puisque ce Iron Maiden-là n'a fait à peu près que cet album. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Rock Classic, c'est de 11h à 17h sur les ondes de C'est Fou, bien entendu, et c'est pour les vrais amateurs de vrai rock. Nous allons conclure cette édition qui se veut un anti-spécial de l'Halloween. Je dis un anti-spécial parce que, mis à part la chronique cinéma, il n'y avait rien vraiment qui traitait de l'Halloween. Avec quelques bonnes chansonnettes qui sont respectivement Hail of Bullets. Bullets, pardon. oui, c'est toujours très drôle de dire ça. Et on va tout de suite débuter avec une pièce de Bolt Thrower, pièce tirée de Ford Crusade de 1992, Embers. Go! places in the developed states. À la semaine prochaine et allez tous vous faire foutre. See you.